Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Mon nom est Luc Desormeaux et encore une fois cette semaine, je serai accompagné par mon collègue, mon ami, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc. Il va vraiment falloir que tu commences à mettre des applaudissements préenregistrés quand tu me présentes demain, ben non. Ah, ça se trouve, il n'y a pas de problème. Je sais pas, me semble que ça serait d'ambiance, là. Ça serait comme bien mérité de surcroît. Ok, je vais voir ce que je peux faire pour la prochaine émission. Ah, salut Luc, ça va bien. Ça va, papa, toi? Ça va. Donc, Marc, grosse émission cette semaine. On est seulement tous les deux. On n'a pas de chronique de collaborateur cette semaine. Ça sera pour la semaine prochaine. Si tout va bien, la semaine prochaine, on va avoir Samuel qui va revenir faire une chronique nouvelle. Puis on va avoir Martin qui va venir nous parler de voitures électriques. Cette semaine, on est seulement nous deux. Puis je veux commencer par quelque chose d'un peu différent. Je suis allé au cinéma, mais je voulais en parler parce que je sais que tu es un grand, grand fan de la série Les Bagnoles. Hein? Oui, tellement. Appelée Cars en anglais. Donc, je suis allé voir en famille le film Les Bagnoles 3 cette semaine. Je suis allé voir ça mercredi. Mon fils avait un rendez-vous à Sainte-Justine pour des petits tests. Et puis... Ben, on a fini de bonne heure, parce qu'on a resté vraiment surpris. Puis je disais à ma femme, hey, j'avais planifié si ça allait bien, qu'on allait peut-être au cinéma. Est-ce que ça te tente? Puis elle dit, ah oui, oui. Fait qu'on est allé voir Cars 3, Les Bagnoles 3 en famille. Mon fils aime beaucoup le film Les Bagnoles. Puis ce qui est drôle, c'est que le film est sorti en 2006. Mon fils est né en 2006, donc il a à peu près, tu sais, il a le même âge que le film. Puis c'est un film que le premier, là, on l'a regardé à répétition, là. C'était comme, ça jouait tout le temps dans la maison parce que mon fils, c'est le seul film qu'il regardait puis il voulait toujours que je le mette. Ça s'est calmé quand le 2 est sorti. Je sais pas si t'es comme moi. Moi, le 1, j'ai adoré. Je trouvais que c'était vraiment bien. Il n'y a pas de méchant. L'histoire est intéressante. Pis c'est vraiment une histoire se dépasser soi-même. Puis dans le deuxième, c'était une histoire de... C'était un James Bond avec des autos. J'ai trouvé ça tellement nul qu'on a un peu débarqué. Pas nul, pas loin. Je te dirais que pas nul, là, parce que j'ai quand même trouvé que c'était amusant et rigolo. Et tu sais, en fait, ce qui fait que Cars et Cars, c'est l'attachement qu'on a envers les personnages. Bon, on avait quand même un certain attachement à l'égard des personnages dans le deuxième, mais t'as raison, au niveau du scénario, on s'entend pour dire qu'on était loin du premier. Là. Mais tu sais, ça aurait pu, parce que théoriquement, même dans le deuxième, on voit presque pas Flash McQueen. C'est l'histoire se tourne alentour de Mater, qui est l'espèce de camion remorque, là, tu sais. Oui, mais je l'aime. Oui, mais c'est parce qu'on aurait dû appeler ça, tu sais, Les Bagnoles 2, les aventures de Mater, tu sais. Ça serait... Ça aurait au moins donné une idée, tu sais. Mais Dieu que t'es chiolé. Ouais, mais pour en revenir à Cars 3, ou Les Bagnoles 3, moi j'appelle ça Cars, mais en tout cas Les Bagnoles 3, on retourne à la recette originale. Donc c'est une histoire de course, c'est une histoire de encore de dépassement de soi. Puis on est rendu plus tard dans la carrière de Flash McQueen. Donc Flash a tout gagné. C'est un pilote, si on peut dire, qui a remporté des victoires. Puis il y a une belle chimie dans la série de courses où il est, la Piston Cup, où il est ami avec d'autres coureurs, d'autres voitures. Puis il y a une espèce de rivalité, mais amicale, entre trois ou quatre voitures qui s'échangent les victoires. Des fois, c'est un, des fois, c'est l'autre. Mais Flash est clairement la voiture la plus dominante, c'est sûr. C'est le héros du film. C'est ça, exactement. Quelle surprise! C'est ça. Et puis là, ben... Il m'a gassé le punch. Là. Ben oui. Et puis là, ben, on s'aperçoit qu'il y a un petit nouveau qui arrive dans le giron de la course automobile qui s'appelle Jackson Storm. Puis Jackson Storm, c'est une voiture nouvelle, hyper technologique, avec les plus récentes aides à la conduite et la voiture qui est capable de... améliorer sa trajectoire à chaque tour de piste pour être certain d'avoir toujours le plus rapide tour à chaque fois. Et il commence à dominer la course. Et puis plus on voit ça aller, plus on voit que les vieilles voitures prennent leur retraite parce qu'ils sont plus capables de compétitionner avec ça. Puis on retrouve Flash, lui, qui veut encore faire de la course, veut pas prendre sa retraite, il est pas prêt à prendre sa retraite. Et puis va essayer d'améliorer les choses en retournant aux sources et tout ça. Il y a encore un bel hommage à Hudson Hornet qui était joué par son nom m'échappe là, mais c'est Paul Newman. Oui, mais tu sais que sur l'épaule droite J'ai un Hudson Hornet 1951 tatoué. Non, je ne savais pas ça. Je t'ai Et je pas, te l'ai dit. je n'étais pas vu dans ton intimité. Donc, Non. et c'est correct, je vais le prendre pour me Ah, ça, prendre. c'est la bonne nouvelle. Non, mais sérieusement, effectivement, alors c'est qu'un peu mon personnage fétiche, j'avoue. Ouais. Donc, on rend encore un hommage à Hudson Hornet, qui est, bon, Paul Newman, qui est mort entre le premier et le deuxième film. Dans le deuxième film, on dit qu'il est mort et on explique un peu ce qui s'est passé, mais plus ou moins, là. Mais on sait qu'il est mort. Donc, on rend encore hommage à Hudson Hornet dans le troisième. Il y a une belle histoire d'amitié avec encore tous les personnages qu'on connaissait dans le premier, le Guido, Luigi, Fillmore, qui lui aussi, le personnage qui le jouait en anglais, qui était. C'est un humoriste là, que son nom m'échappe encore, là. Est mort aussi. Il y a beaucoup de personnages qui faisaient les voix de ces. De ces d'acteurs qui faisaient les voix de ces personnages-là en anglais qui sont décédés. Mais on a quand même décidé de ramener certains personnages. Hudson Hornet, c'était comme trop gros. On l'a juste. On l'a enlevé d'histoire, mais les autres sont toujours là. Donc, on retourne à Radiator Springs, on revoit Sally, même si sur les affiches, elle est comme pas vraiment là. Même ma femme se demandait, coudonc, Sally, est-ce encore là? Je dis, oh, oui, elle est encore dans le film, c'est juste que tu la vois pas sur les posters, des choses comme ça. Donc, c'est une histoire Non, qui est. parce qu'il Ouais, y a vas-y. des nouveaux personnages aussi, là. Oui, il y a des nouveaux personnages. Il y a Cruz qui va être l'entraîneur de Flash McQueen qui va essayer de montrer comment. Se mettre à jour avec les nouvelles technologies pour s'améliorer dans sa course. Puis Flash est réticent, lui aime la bonne vieille méthode d'aller courir sur de la terre et des chemins de terre, des choses comme ça, tandis que l'autre avait faire des simulateurs et ça tourne pas nécessairement comme ils veulent. Mais c'est une histoire qui est très intéressante, c'est une histoire qui, franchement, m'a beaucoup plu. J'étais un petit peu réticent vu ce qu'ils ont fait pour le deuxième, ce qu'ils avaient fait avec le deuxième, mais franchement, là, pour ce film-là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. L'histoire est intéressante. Il y a une petite twist à la fin que je vous dirai pas parce que ça fait partie du charme du film un peu. Si vous aimez l'univers des bagnoles, ben c'est vraiment un film à voir. Je pense que Disney Pixar se sont rachetés un peu de ce qu'ils avaient fait pour le deuxième. Puis on est revenu aux sources. C'est ça que les gens disaient. C'est que vous êtes tellement éloigné de la source. On sait plus où on est rendu là, avec le film d'espionnage, tandis que là, on est vraiment revenu aux sources. Et le film est magnifique, là, les rendus graphiques, c'est super beau, c'est vraiment superbe. Puis j'avoue adorer le modèle de voiture qui a été utilisé à la base pour l'entraîneur de Flash McQueen, Cruz, là, c'est vraiment une magnifique voiture. Je sais pas c'est quoi à la base, là, mais c'est vraiment beau. En fait, Donc. c'est rien. Non, mais c'est basé sur plusieurs choses normalement. Oui, mais en même temps, c'est pas. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une espèce de charger coupé. Là. Ouais. Si tu le regardes de côté, là, OK. c'est effectivement basé sur un charger, mais coupé. OK. Là, c'est très beau. C'est vraiment magnifique, c'est super beau, là, mais c'est pas une voiture qui existe pour vrai, là. OK. Je suis désolé de te décevoir. Non, c'est pas grave, mais c'est quand même magnifique. Donc, c'est ça. Si vous ne l'avez pas vu encore, allez le voir. Marc, je sais que tu l'as pas vu, donc faut que tu ailles Non, voir ça. je vais y aller, c'est sûr. Tu vas sûrement adorer. Donc, je ne donnerai pas de note. C'est pas vraiment une place pour donner une note, mais moi, je vous dis, si vous aimez les bagnoles, allez voir. C'est très, très bon. Marc, tu veux nous parler d'un essai que tu as fait? On va y aller avec ça tout de suite. Tu as fait l'essai de la Toyota 86, anciennement Sion FRS. Ouais, c'est ça. La Toyota 86, ça s'appelait comme ça quand c'était ailleurs. Nous, on avait les Sions, donc on avait appelé ça un Sion. On a finalement décidé de garder, de revenir à ça parce qu'on n'a pas eu ben le choix. Bon, c'était le nom utilisé en Europe et t'sais, ailleurs dans le monde, là. Ouais, Donc, c'est ça. ouais. Puis c'est non seulement le nom utilisé partout ailleurs dans le monde, mais c'est, tu sais, je pense que Sion ayant disparu, c'était un peu imbécile de pas garder la même idée. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est intéressant parce que c'est probablement une des plus belles voitures sportives sur le marché. J'ai eu l'occasion d'essayer à la fois la Subaru BRZ, qui est la sœur jumelle. Hein. Ouais. On va se dire les vraies affaires, là, c'est la sœur jumelle. Et il faut rappeler que Toyota est propriétaire à 25% de Subaru. Donc, c'est des échanges qui sont plus que de simples échanges pour ce véhicule-là, là. C'est vraiment un partenariat incroyable entre les deux. Et ça donne un résultat qui est, ma foi, extrêmement intéressant. En termes de look, moi, j'ai la version édition spéciale. Bon, c'est essentiellement avec un petit aileron en arrière, là, puis des pneus différents, des jantes différentes. On a vraiment joué la carte de l'esthétique davantage. L'intérieur est absolument superbement fait pour l'édition spéciale. Donc, on a vraiment des appliques différents, on a des surpiqûres de couleurs. C'est vraiment joli. Ceci étant dit, on arrive avec je pense que je dis toujours une FRS, mais bon, c'est pas ça pantoute, là. Donc, on a vraiment remanié quelques affaires cette année pour 2017. Rien de majeur, cependant. On n'est pas dans le grand changement, là. On a modifié les phares surtout. On a modifié un petit peu la partie des ailes en avant pour la rendre plus aérodynamique. On a révisé aussi les feux arrière. T'sais, quand on touche à ceux en avant, d'habitude, on touche à ceux en arrière. Et on a changé quelque chose de particulier. On a augmenté la puissance du moteur. OK, de combien? C'est ça. C'est pas très significatif. On l'a augmenté de 5 chevaux. OK, parce qu'il y a quand OK? même quelque chose, hein? C'est pas un. Ouais. Sauf que ceci étant dit, ça demeure la plus grande déception du véhicule. C'est un véhicule qui est incroyablement agréable à conduire. C'est quand tu conduis ça, puis c'est vrai pour la Subaru aussi, tu as vraiment l'impression d'être sur des rails. C'est un véhicule qui a une tenue de route exceptionnelle. C'est un véhicule qui se comporte comme s'il était, écoute, comme une voiture de course, littéralement. La boîte manuelle, ses rapports, est intéressante parce que c'est avec la manuelle que je l'ai. Tu sais, on a vraiment beaucoup de feeling. Le problème, c'est que ça n'a pas de couple. Ouais. 156 livres pieds de couple Ouais. pour 205 chevaux. Ça s'essouffle assez vite. Écoute, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille la pousser, ces stops, pour vraiment faire des démarrages intéressants. Il faut vraiment jouer avec le régime moteur très élevé. Ça, c'est la partie qui est la plus désagréable. Est-ce que c'est problématique? Ben, pas vraiment, parce qu'évidemment, quand on est sur la route, on part doucement, il n'y a pas de problème. Mais la personnalité de la voiture elle-même est tellement sportive qu'on espérerait avoir quelque chose d'un peu plus oomph, et on n'est pas là. Donc, ça manque de puissance. On souhaitait se retrouver un jour avec une version Subaru STI, donc on aurait espéré quelque chose d'un peu plus performant aussi du côté de Toyota. Ce n'est pas arrivé. Donc, on a encore le moteur 2 litres 4 cylindres à plat, le même qu'on retrouve dans les deux véhicules, 205 chevaux. Il y a un mode piste, c'est-à-dire que tu peux. En fait, tu élimines le contrôle de stabilité tout simplement. Tu attends en faisant ça. Donc, ce n'est pas majeur. Autre détail intéressant ou pas, l'espace intérieur. Comme conducteur, on est très bien. Les sièges apportent vraiment beaucoup, beaucoup de support. Même chose du côté du passager, évidemment. Mais est-ce que tu savais que la 86, c'est une 4 places? Est-ce que tu détestes assez quelqu'un pour l'asseoir en arrière? J'ai déjà assis mon fils en arrière pour monter à Saint-Sauveur quand j'avais eu la BRZ. Puis pour lui, c'était correct là, parce qu'il est pas super grand, mais c'était limite là. Je veux dire, dans 2 ans, là, il voudra plus jamais, il voudra plus savoir rien de s'asseoir en arrière dans ça. Ah, écoute, C'est oublie ça, là. terminé. Moi, sincèrement, là, je ne rentre pas. Mais tu sais que c'est un 4 places parce qu'au Japon, ils ont des restrictions sur les voitures 2 places. En fait, C'est la c'est seule ça. raison, là. C'est ça, exactement. C'est tout. Alors, vraiment, on n'utilise pas les places arrière. De toute façon, la façon dont elles sont faites, elles sont impossibles à accéder. C'est vraiment, vraiment pas fait pour ça. La valise est correcte compte tenu du type de voiture qu'on a, Ouais. mais c'est pas exceptionnel. On s'en doute, là. On n'est pas là-dedans du tout. Non. Ce qui est cependant intéressant, c'est que c'est une petite voiture sportive, malgré tout, très agréable à conduire et qui n'est pas si dispendieuse. Écoute, la version que j'ai, là, équipée comme elle l'est, avec tout ce qu'on veut, c'est 34 000 $. Ouais. Non, non, Fait que, tu sais, c'est pas si pire que ça, là. pour une sportive, c'est sûr, c'est une propulsion, là. Tu n'utilises pas ça nécessairement 12 mois par année, mais pour une petite propulsion du genre, c'est vraiment agréable. Alors, honnêtement, belle expérience. J'aime beaucoup la voiture. Je trouve qu'elle a du look. Je me suis fait faire des thumbs up allègrement depuis que je l'ai. Évidemment, c'est parce que c'est moi qui étais au volant aussi, là. C'est C'est sûr, c'est. ça, Ça n'a pour rien à voir ça, avec la là. voiture. C'est Non, non, rien toute du tout. marque, là. On le sait, là, tu sais. Mais non, sérieusement, elle est très, très belle et elle attire vraiment l'attention. On aurait aimé juste 2, 3 chevaux de plus, je te dirais, pour vraiment aller se marier à cette performance-là, à ce look-là. Mais pour le reste, c'est vraiment un véhicule. Écoute, c'est sûr que c'est un véhicule sportif qui est assez bas. Tu connais ma taille de guêpe. Tu sais à quel point ça peut être gracieux de me voir rentrer dans le véhicule de même. Rentrer, c'est pas si mal. Sortir, c'est plus compliqué, je te l'admets. Mais malgré tout, c'est facilement accessible. Non, sincèrement, j'ai pas trouvé beaucoup de défauts, outre l'espace intérieur qui est ridiculement bas. Système de Le divertissement qui était. qui est correct, là, je veux dire, c'est pas. C'est le système de divertissement Toyota, là, avec les apps à part. Et ça, c'est assez standard. Bien sûr, comme je te dis, le manque de puissance, c'est la plus grande faiblesse de ce véhicule-là. Ben, surtout si on manque de couple. Puissance, c'est pas si peu. Couple, là, on en prendrait un petit peu plus. Ouais, mais c'est parce que même à ça, tu n'as pas envie d'aller chercher le maximum de puissance parce que tu as l'impression de devenir essoufflé, tu sais, Ouais. à force de peser sur l'accélérateur, là. C'est vraiment le gros problème. Ouais, c'est un fait. Bon, mais c'est beau, mais ça reste une magnifique voiture. Absolument. Donc, c'est beau, Marc. On va faire une petite pause, puis on revient tout de suite avec d'autres essais. Alors, nous sommes de retour. Marc, tu as essayé un véhicule assez intéressant, le Range Rover Sport en version diesel. Oui, monsieur. Déjà que le Range Rover Sport, pour moi, c'est un véhicule très intéressant. OK? J'aime les gros utilitaires sport. Je le sais, je suis pas correct. Je le sais, je devrais pas être ça du côté politique, là, ça, c'est pas correct d'aimer des grosses affaires de même, mais j'y peux rien. J'adore ça. J'adore ce type de véhicules qui sont à la fois luxueux et capables de gravir des montagnes. J'adore le fait que l'on puisse moduler là, les différents modes de conduite pour être capable de traverser n'importe quelle condition. Mais j'adore aussi le fait que l'on puisse se promener avec ce véhicule-là en plein milieu du centre-ville pour une soirée chic, puis que j'amène chérie au restaurant et qu'on n'ait pas honte de se promener. Mais alors là, pas du tout. Ben, t'aimes ça faire ton frais. Un peu, j'avoue, là. Puis toi aussi, fait que arrête, là. Écoute, ce genre de véhicule-là, il est pour moi. C'est un classique, je te dirais, dans son monde. Okay? Oui, c'est pas le design le plus sexy du monde. C'est assez carré. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment beau. Fait que, tu sais, je suis pas toujours objectif, là, je vous le dis. Bien sûr, on peut encore mettre en doute la fiabilité de tout ce qui est Range Rover, malgré le changement de propriétaire, malgré les évolutions technologiques. On s'entend pour dire que ce n'est pas nécessairement les modèles les plus fiables au monde. Non, ça s'est amélioré un peu, par exemple. Hein? Oui, C'est pas aussi fait que c'était. OK. ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré. Là, on parle d'une forte progression, OK. mais ce n'est pas encore. Tu sais, c'est sûr que. Mais attends, il n'y a pas vraiment de problème, mais on a les inquiétudes qui vont avec. OK, c'est bon. OK? C'est plus moralement. Sauf que dans le cas qui nous préoccupe, en plus, j'avais un véhicule qui était. Comment je pourrais dire? Relativement économique compte tenu de sa taille, parce que c'est le moteur 3 litres diesel turbo qui fait 254 chevaux, 440 livres-pieds de couple. C'est un moteur qui a vraiment qui fait de belles performances. C'est pas le plus économique. Malgré tout, il est probablement 20% plus économique que ne l'étaient les anciennes versions du Range Rover Sport, Ce qui est quand même qu'on n'a bien. pas. Qu'on n'a pas oublié d'ailleurs, hein. Je veux juste te dire là, que c'est pas un. On parle pas d'un véhicule qui a complètement disparu de la surface de la Terre, là. Il y a encore toutes les autres versions du Range Rover Sport qui sont là, qui sont disponibles, que ce soit le SEV6 ou le. On est même allé jusqu'à créer un SVR. Le SVR, là, pour ton information, c'est celui que si tu es capable de rattraper à la course, change de job parce que c'est vraiment le monstre de puissance. OK, c'est bon. Alors, on joue vraiment la carte de tous les genres, de tous les styles, et c'est vraiment bien réussi. Dans le cas du moteur diesel, je l'avais essayé. En fait, c'est le moteur aussi qui est sur les Jaguars. C'est un moteur qui est vraiment très efficace, qui est la beauté de ça, comme tous les moteurs diesel, c'est le couple qui est accessible vraiment, vraiment à bas régime. Donc, tu as des reprises assez spectaculaires. Tu as des accélérations qui sont vives et intéressantes. Est-ce que pour autant c'est parfait? Ben non, évidemment. Ça demeure un moteur qui est un petit peu bruyant malgré tout, bien que ce soit très bien, je dirais, On a réussi bon, on a modifié, quand on l'a refait l'année passée, là, le véhicule, là, on a mis des trucs insonorisants un peu partout, on a mis toutes sortes d'affaires. Donc, on a vraiment été capable d'aller calmer un peu le bruit supplémentaire qui généralement accompagne un moteur diesel. Mais on profite vraiment pleinement du 440 livres pieds de couple. Écoute, c'est incroyable comme feeling d'accélération et de départ. Quand même, c'est pas un véhicule qui est énorme, c'est quand même un véhicule assez gros, là. Oh non, on parle d'un gros véhicule là. C'est pas, écoute, c'est pas le Range Rover lui-même. Ouais. C'est le Range Rover Sport. Il est un peu plus petit, mais c'est quand même un véhicule qui pèse 4 800 livres à Bon, peu près là. ouais, ok, ouais. Tu sais là, c'est pas, c'est un véhicule qui fait presque 5 mètres de long là, 4,8 mètres de mémoire là. Ok. Mais avec tout ça, on se retrouve avec un véhicule qui a une consommation moyenne annoncée par le constructeur de 10,6 en ville et de 8,1 sur autoroute. Bon. C'est pas à toi que je vais apprendre que malheureusement, des fois, on excède un peu ce genre d'affaires-là. Ouais. Mais dans l'ensemble, on n'est pas très loin de la vérité. Et honnêtement, c'est vraiment surprenant et c'est très, très agréable. C'est quand même pas un véhicule qui est donné, on s'entend. Non. 84 500 $, ce qui est pas, tu sais, ce qui est pas nécessairement à la portée de toutes les bourses, mais c'est un véhicule qui est fort, fort agréable. Quant au confort intérieur, quant aux capacités de roulement, écoute, c'est d'une douceur incroyable malgré la taille. À l'intérieur, tout a été pensé pour être confortable. À l'arrière, on a bien entendu, parce qu'on a la version équipée, là, on a donc les deux écrans qui s'affichent dans l'appui-tête pour le système de divertissement. On a vraiment la totalité de ce qui fait le confort traditionnel d'un Range Rover. OK. Fait que ça, c'est intéressant. Et bien sûr, tu as tous les modes, là, les fameux modes, ce qu'on appelle les modes de terrain, là, que tu peux, avec lesquels tu peux jouer. Ça te permet donc d'avoir des performances dans toutes les conditions. Et on a trois modes de conduite, qui est un mode normal, un mode sport où vraiment on va chercher le maximum des accélérations, et un mode qui est manuel, donc où on peut choisir là, au choix ce que l'on veut mettre d'avance. Alors, tout ça pour dire que c'est vraiment. Comment je pourrais dire? C'est vraiment une belle réussite. Un, j'aimais le Range Rover Sport. En version diesel, avec un moteur économique et beaucoup, beaucoup de couple, c'est encore plus évident. C'est vraiment un véhicule spectaculaire. Et honnêtement, bon, ça va me faire un petit peu de peine de le ramener lundi, là, ben, mardi, mais c'est vraiment un véhicule que j'aime beaucoup. Mais comme je te dis, le gros bémol, c'est le coût d'achat. À un peu plus de 80 000 $, 84 000 $, c'est pas donné. C'est clairement quelque chose d'un peu abusif, je te dirais, de ce point de vue. Mais tu sais, ça fait partie de ce qui va avec ce type de gros véhicule-là. Non, oui. Moi, j'adore ça, je te l'ai dit. Je conduirais juste ça, puis j'aurais bien du fun. Mais bon, alors voilà. Sauf que toi, tu es allé dans un format un peu plus, disons, abordable. Ouais, quelque chose de fonctionnel et d'abordable. Je dois avouer, le Subaru Crosstrek, c'est un de mes petits péchés coupables. C'est un des véhicules que j'aime beaucoup son look, puis j'imagine qu'il y a des gens qui le trouvent horrible, un peu comme on peut trouver d'autres voitures horribles. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un beau milieu entre avoir un VUS, un camion un peu plus haut sur pattes, puis une voiture régulière qui est un peu plus basse. Lui, il est comme entre les deux. Donc, on n'est pas assis à terre comme on est comme dans un Honda Civic, puis on n'est pas non plus très haut comme on peut être dans un VUS, je sais pas, un Ford Escape, quelque chose comme ça. Comme mon Ford Escape est beaucoup haut, il est assez haut, même si c'est un vieux, là, mais... Ça, c'est un bon milieu. C'est très logeable. Le coffre est quand même assez grand. Si on descend les sièges, on a un bon espace de chargement. C'est un véhicule qui est quand même assez nerveux. Je sais, il y a des gens qui vont dire, ah ouais, mais Subaru, c'est des CVT. Oui, dans les versions automatiques, c'est des CVT, mais plus je conduis de voitures avec des CVT, moins ça commence à me déranger. Et Ben, puis, ça dépend des modèles. ouais. Chez Subaru, c'est quand même pas si pire. On peut jouer avec les palettes au volant aussi si on veut avoir un peu plus d'accélération. On peut changer les fausses vitesses au volant si on veut. Mais c'est un véhicule que j'avais en version automatique, puis ça m'a pas dérangé avec la CVT, là. C'est une voiture qui est, comme je disais, quand même assez nerveuse. Si on appuie sur l'accélérateur, on a des bonnes accélérations. C'est un véhicule qui est quand même, je vous dirais, simili abordable. Ça commence à 26 000 $, puis ça monte à 34 000 $ si vous prenez la version la plus équipée. C'est un moteur 4 cylindres à plat de 148 chevaux. Ce qui est intéressant, ben c'est un véhicule qui est traction intégrale, toujours. Donc, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, que vous allez sur, je sais pas, à pêche dans une route de gravelle, vous allez avoir une traction qui va être correcte, puis ça devrait vous empêcher de vous mettre trop dans le trouble. C'est un véhicule qui est confortable, je me disais, qui est assez spacieux à l'intérieur. On est allé se promener en famille, puis on n'a pas eu, tu sais, pas de problème d'espace. J'ai même, je suis dans les rénovations dernièrement, comme tu en avais parlé, puis je suis allé acheter quelques matériaux de construction. J'ai baissé les sièges en arrière, j'ai tout embarqué ça dedans, puis je suis reparti. C'est un véhicule qui est fonctionnel, c'est un véhicule qui est joli. Personnellement, si présentement j'avais à changer mon VUS pour une voiture à essence, ça serait peut-être ça que j'irais peut-être pour un Crosstrek. Parce que pour moi, ça répond à mes besoins. Je vais te poser une question. T'as quelle année? Parce qu'on le sait, le Crosstrek est actuellement en plein redesign. Le nouveau arrive bientôt. Moi, j'ai le 2017, donc j'ai l'ancienne génération. Le 2018 arrive sur la flotte de presse dans les prochaines semaines ou dans le prochain mois, là. Oui, parce que les journalistes sont actuellement au Japon au moment où on se parle pour aller faire l'essai de ce véhicule. Oui, c'est ça, mais j'ai-tu l'air d'être au Japon? Non. Est-ce que moi, j'ai l'air d'être au Japon? Toi non plus, t'as pas l'air d'être au Japon. Donc, j'ai la version précédente, qui est quand même un véhicule qui est intéressant, compétitif et tout ça. J'ai terminé. Le véhicule a une consommation, présentement une consommation à vie, puis le véhicule a à peu près 5000 km dessus quand je l'ai retourné, de 8,4 litres aux 100 km. Donc, c'est quand même, tu sais, respectable pour le type de voiture que c'est. Moi, c'est un véhicule que j'aime beaucoup. Comme je vous dis, il y a une fourchette de prix quand même assez large, là. Vous allez partir de à peu près 25 000 $, vous allez monter jusqu'à 36 000 $, dépendant de l'équipement que vous voulez. Puis là, vous pouvez avoir toutes sortes d'équipements. Vous pouvez avoir le contrôle de vitesse adaptatif, détection de changement de voie et tout ça, là. Il y a vraiment un bon système de technologie. Bémol, là. Oui. Bémol important. Oui. Le système de Subaru fonctionne avec une caméra. Oui. OK. Qui est logé derrière le rétroviseur central. Oui. Le problème, c'est que si tu roules face à un soleil couchant, quand toi, tu es aveuglé, ton système l'est aussi. Aussi. Puis c'est pareil si ton pare-brise est complètement sale, le système ne fonctionne pas non plus. Oui, oui. Alors, il se désactive. Oui. Ça, c'est une faiblesse du système de sécurité Subaru. Oui. Mais encore là, tu sais, j'ai monté au Salon de Toronto l'année passée avec un Ford Edge qui a un système de radar, puis il s'est mis hors ligne aussi parce que le pare-choc était trop sale, puis les sensors étaient sales. Lâchez votre volant car votre voiture sera bientôt autonome. Ouais, c'est ça. Prenez le chance à avoir touché au volant. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est pas parfait encore. Il y a du travail à faire, mais dans des conditions correctes, le système fonctionne très bien, là. Fait que c'est ça. Donc, si vous aimez ça, puis il y a une version spéciale édition, là, une Kazan qui appelle, là, 28 000 $, qui est rouge avec un aileron, tout ça, là, c'est joli. Donc, si c'est un véhicule qui vous intéresse, allez le voir, parce que moi, j'aime beaucoup. C'est, comme j'ai dit, c'est un de mes petits plaisirs coupables. Ouais, mais toi, tu sais. Puis c'est abordable. Donc, c'est ça. Tu sais, toi, tu te regardes dans le miroir, tu te trouves beau, là, ouais, on pourrait en reparler. Donc, Marc, on va faire une petite pause, puis on va revenir tout de suite. Tu vas nous parler du voyage que tu as fait au Colorado pour aller essayer le Volkswagen Tiguan 2018. Alors, nous sommes de retour. Et Marc, tu as fait un petit voyage au Colorado dans les derniers jours pour aller essayer un produit Volkswagen, la nouvelle version de son Tiguan, le Tiguan 2018. Ouais, un petit voyage, effectivement. Là, on parle de 24 heures. Ouais, ça a été court un peu, hein, avec le décalage horaire et tout ça. Je t'envie pas, soit là. Ça, oui, ça a été assez bref, mais quand même intéressant parce que le Tiguan, c'est un véhicule extrêmement important pour Volkswagen. Et les gens de Volkswagen ne s'en cachent d'ailleurs pas, là. C'est un véhicule très important. D'ailleurs, le lancement où on était un lancement mondial. Okay. C'est-à-dire que il faut savoir que c'est un véhicule qui est vendu partout au monde, mais dans des configurations différentes. Il sort en Amérique du Nord en premier, ce qui est un peu surprenant, parce que d'habitude, c'est l'Europe qui l'a en premier. Mm-hmm. Mais là, on avait avec nous des journalistes britanniques, polonais, bon, quelques journalistes européens et plusieurs journalistes, évidemment, américains et mexicains. Pourquoi? Parce que le Tiguan, c'est le véhicule qui, depuis 9 ans, qui n'avait pas été changé depuis 9 ans d'ailleurs, là, qui depuis 9 ans se vend très bien et permet à Volkswagen d'avoir une présence intéressante dans un marché qui est en croissance exponentielle, celui des utilitaires sport. Ouais. Et quand je parle de croissance exponentielle, là, aux États-Unis, ce qu'on appelle les camions légers. Camion léger, là, ça inclut les camionnettes comme les Ford F-150 et tout ça, mais ça inclut tout ce qui s'appelle utilitaire sport, aussi sous-compact soit-il, là. Mazda CX-3, Honda HR-V, tout ça. Écoute, c'est 60% du marché. Au Canada, 68% du marché. Alors évidemment, Volkswagen ne peut pas laisser sa place dans ce créneau-là et doit être présent et nous promettre qu'ils le seront de plus en plus. C'est-à-dire que là, bien, ils ont lancé il n'y a pas longtemps, tu te rappelles, le Atlas, qui est arrivé depuis 2 semaines à peu près chez les concessionnaires. C'est le gros utilitaire sport, le Atlas. C'est un vrai gros 7 passagers et tout. Et bon, on espère être capable d'aller compétitionner dans un marché qui est déjà bien chargé, il faut le dire. Mais le Tiguan, on l'a remanié aussi. Et nous, on a une version qu'on appelle le Tiguan allongé, disponible en version 7 passagers. En Europe, ils ont les deux versions, c'est-à-dire la version courte et la version allongée comme nous autres. Donc, mais pour le moment, il n'y avait pas de version courte de disponible, donc on n'a pas pu voir vraiment la différence. Mais il y a quand même une différence notable au niveau de la taille du véhicule, notamment, parce que vraiment, on parle d'un véhicule qui est beaucoup plus court. Tu vois, par rapport à l'ancien Tiguan, la longueur totale, c'est 268 mm de plus. C'est quand même évident. C'est 30 mm de plus en largeur et c'est 186 mm de plus au niveau de l'empattement. Étonnamment, il est un petit peu plus bas. Il y a 7 mm de plus bas que son ancien concurrent. La particularité du Tiguan, c'est qu'il fait partie de ces nouveaux véhicules Volkswagen qui sont construits sur la plateforme qu'on appelle la MQB. Si tu permets, je vais laisser faire le nom complet MQB parce que c'est un nom en allemand et que je n'ai jamais été capable de le prononcer. Fait qu'on va on va laisser faire pour le moment. Mais c'est une plateforme modulable et ça, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est le même empattement pour toutes. Tu sais, il y a des choses qui sont variables au niveau de la plateforme. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une structure de base qui est beaucoup plus rigide. On parle de 20% plus rigide que ne l'était l'ancienne plateforme. Et on a créé des modules que l'on peut remplacer, d'autres que l'on doit garder. Par exemple, l'espace entre l'accélérateur et l'essieu avant, donc là où est installé le moteur, c'est toujours le même, sur tous les véhicules qui utilisent la plateforme. Par contre, l'empattement peut varier, la porte-à-faux avant ou arrière peut varier. Donc, on a des détails qui sont les mêmes, ce qui donne, par exemple, la Golf qui est bâtie là-dessus, le Atlas qui est bâti là-dessus. La nouvelle Polo qui va être bâtie là-dessus, on ne l'a pas en Amérique, mais en Europe, et on se rappelle que la Polo, c'est plus petit qu'une Golf. Et le Tiguan est maintenant bâti là-dessus aussi. Donc, on maximise l'idée. Le responsable des relations publiques de Volkswagen a un petit peu pris tout le monde par surprise en disant, ben, écoutez, pour une fois, il y a quelqu'un chez Volkswagen qui a eu une bonne idée. Ils ont décidé de mettre tous les ingénieurs, les meilleurs de toutes les marques. Ils ont assis dans une salle, ils ont fermé la porte, puis ils ont dit, vous allez sortir de là avec une bonne idée. Et ça a donné la plateforme modulable. Bon, C'est bon. c'est très bon. Ceci étant dit, on arrive par la suite avec un Tiguan qui est complètement différent de ce qu'il était. Et quand je dis complètement, là, il n'y a pas une vis qui est ramenée de l'ancienne génération. On a vraiment tout refait au complet. C'est donc un véhicule qui a un nouveau style, un nouveau look, bien entendu. C'est un véhicule qui se retrouve avec les lignes, honnêtement, qui a l'air un peu de l'Atlas, là, il faut le dire, qui est un peu plus grand, un peu plus carré, mais c'est un peu ce que ça donne aussi. Beaucoup de chrome, ça dépend des versions. En fait, tu as comme d'habitude trois versions, là. Tu sais quoi, c'est Highline, Comfortline et Trendline. Bon, tu as les trois versions qui sont plus ou moins équipées selon les besoins. Et tu as des trucs là, vraiment au niveau de la qualité de finition, par exemple. À l'intérieur, pour les versions les plus haut de gamme, tu as un système audio Fender qui fait un bon travail, qui joue bien. On peut modifier certaines affaires dans l'affichage à l'espèce de cockpit. Et sous le capot, et ça c'est la particularité, un moteur 2 litres 4 cylindres turbo de 184 chevaux et de 221 livres-pieds de couple. Même moteur C'est qu'on juste. retrouve un petit peu partout chez Totalement Volkswagen. nouveau, là. Ah ouais, C'est un nouveau 2 litres, là. OK. C'est pas le même. C'est un 2 litres, mais c'est pas le même. C'est un nouveau moteur avec un B-cycle, là, donc c'est une nouvelle méthode là, d'analyse et tout. Et c'est jumelé à une transmission 8 vitesses automatique. Bon, là-dessus, j'ai pas eu la réponse. En Europe, ils vont avoir la DSG. Nous, on l'a pas. OK. Fait que c'est un peu dommage parce que c'est probablement la plus grande faiblesse de ce véhicule-là. C'est-à-dire que, en fait, non, pas la plus grande faiblesse. La plus grande faiblesse, c'est son accélération. Parce que l'accélérateur est un accélérateur électronique, donc on a l'impression qu'il y a toujours un délai entre le moment où on commence à appuyer sur la pédale et le moment où le moteur réagit vraiment. La transmission ne réussit pas à corriger ce délai-là, donc on a l'impression qu'il faut attendre quasiment une seconde, là. C'est très, très long, une seconde, quand on accélère. Bon, oui, si t'as besoin d'accélérer là, une seconde, C'est ça très, peut très faire la long. différence entre je dépasse l'auto ou je ne dépasse pas l'auto. Effectivement. Ouais. Alors ça, c'est un peu dommage parce que c'est la plus grande faiblesse. Deuxième faiblesse, c'est que dans la version que j'ai essayée, mais là, il faut faire attention parce qu'on avait des versions américaines. Ce n'est pas tout à fait la même chose que chez nous. Eux autres, ils ont des SE, SEL, des trucs comme ça, ce que nous, on n'a pas. Dans la version SE que j'ai essayée le matin, les sièges étaient assez inconfortables, je dois le dire. OK. Après 2 heures, là, mon collègue et moi, on n'était pas heureux nécessairement. Et je dois te dire que mon collègue n'a pas pantoute la même shape que moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est généralement plus équilibré dans son aspect physique. OK. Donc, lui non plus n'était pas très confortable. Autre détail, quand on s'assoit au volant du SE, entre autres, on a l'impression que le volant est trop gros et le boudin trop mince. Fait qu'on a presque la sensation de se retrouver avec un volant d'autobus dans les mains. Yeah, OK. Et ça, c'est pas agréable. On oublie rapidement, mais le premier coup d'œil est pas nécessairement le plus favorable. Par la suite, cependant, on s'en va sur la route avec le véhicule, et là, ben, il n'y a rien à dire parce que le Tiguan se comporte comme le Tiguan doit se comporter, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus sportif que la majorité des utilitaires sport de sa catégorie. On peut d'ailleurs mettre un mode sport, il y a un mode off-road qui varie les différents paramètres d'accélérateur et tout. Écoute, on a fait, nous, une randonnée qui n'était pas très longue, qui nous a permis de faire à la fois de l'autoroute, des zones urbaines et même une route un peu plus caoteuse de gravel et tout. Et il s'est toujours très, très bien comporté. La beauté de la chose, c'est la rigidité du châssis, vraiment, et la qualité des suspensions qui nous a permis d'éviter les principaux problèmes et d'éviter aussi des transferts de poids souvent difficiles à contrôler sur un véhicule utilitaire sport. Tu le sais, quand on prend des virages de façon un peu trop dynamique, des fois, ça. Disons, ça ne se comporte pas exactement comme on s'y attendait. Ouais. Mais dans le cas du Tiguan, on est vraiment dedans. Ça va très, très, très, très bien de ce point de vue-là. Détail aussi, c'est disponible, bien entendu, en version 4 roues motrices ou 2 roues motrices. Ça dépend de ce que vous voulez. Et il y a différents éléments, là. T'sais, on a ajouté des affaires comme ce qu'on appelle le hill descent, là, l'aide à la descente en pente. Ouais. C'est là, c'est standard sur tous les véhicules. Il y a un système qui s'appelle le post-collision braking system. Un système qui fait freiner la voiture après que tu aies été frappé. Tu vas me dire pourquoi? Parce que quand tu es frappé une première fois, par l'arrière, disons, ton auto a tendance à partir et à aller frapper soit une deuxième voiture, soit à tomber dans le champ, soit à frapper un mur. Et on estime que cette deuxième collision-là, elle est plus dommageable la plupart du temps que la première. Alors, quand tu es frappé une première fois et que tes coussins gonflables se déclenchent, il y a un système de freinage qui bloque la voiture là où elle est. Donc, tu ne devrais pas avoir de deuxième collision. Ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, qui est un peu particulier quand on dit qu'on a un système de freinage après collision, mais quand on comprend le système, c'est effectivement intéressant. Ça a dû coûter Par la cher à suite, développer. Ouais, c'est ça. À moins que, tant que c'est pas à moi qui ont demandé de le tester, ça va. D'ailleurs, ils ne voulaient pas qu'on teste les coussins gonflables. Ils nous l'ont dit. Ah, oh, ils sont bien plates. C'est ça. Par la suite, ben là, évidemment, tu tombes sur des trucs là, comme détecteur d'angle mort, détecteur de piétons. Ça, c'est sur les versions Comfort Line. Et les versions Highline, ben là, tu as les phares adaptatifs qui sont de série. Mais tu as tous les systèmes, genre cruise control adaptatif, vision 360, aide au maintien de voix. Ça, c'est optionnel sur le Trendline. OK. Ah, Question vite, vite. Y a-tu un volant chauffant au moins? non, je sais-tu, j'ai même pas remarqué. Parce que Non, je pense pas. c'est pas une force chez Volkswagen. Je trouve ça vraiment bizarre que tu aies 10 000 systèmes d'aide à la conduite, mais que tu gèles des doigts. Effectivement, sais-tu, j'ai pas ça, je vois pas ça dans mes options. Ouais. Et je t'avoue qu'il faisait comme 100 degrés Fahrenheit, fait que je l'ai pas testé. T'aurais besoin d'un volant refroidissant? C'est ça, je l'ai pas testé là-bas. Mais effectivement, ça fait pas. Oui, il l'est, mais dans la version Highline seulement. C'est tellement ridicule. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ça coûte cher. Alors, tout ça pour dire en fait qu'on ne connaît pas le prix encore de ce véhicule-là, qui va arriver la troisième semaine d'août ou à peu près. Donc, on saura le prix à ce moment-là. Mais pour le moment, on est encore dans le vague. Sauf que nos amis américains, eux, ont des prix qui sont à peu près ce qu'ils étaient l'an passé, là, donc on devrait s'attendre à la même chose chez nous. Devrait être similaire. Ouais, monsieur. Super. Donc, Marc, on va faire une dernière petite pause, puis on va revenir avec un bloc nouvelle. Donc, Marc, nous sommes de retour pour le dernier bloc. C'est un bloc nouvelle. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Fait que ça se peut que je parle vite parce que je vais en parler de beaucoup. Mais tant que tu parles vite, mais que tu parles bien, on va être correct. Oh, je parle toujours bien. OK. Tu sais, là, tu me connais. Non, sérieusement. C'est pour ça que je te le dis. Beaucoup de trucs. Un truc dont je vous ai déjà parlé, mais dont j'insiste pour vous reparler, ça s'appelle Kartstart Canada. C'est présenté par Toyota et c'est une demi-journée d'activité, en fait, qui est offerte aux jeunes de 10 à 16 ans. Je vous explique. Il ne s'agit pas de montrer aux jeunes comment faire de la course. C'est une activité de sécurité automobile qui est organisée par l'équipe de Kartstart, appuyée par Toyota, pour plein de points de vue. On assit les jeunes dans des karts. Il y a des instructeurs qui sont sur place. On leur montre non pas à prendre des trajectoires de course, mais qu'est-ce que ça veut dire le comportement d'un véhicule sur une piste et sur la route. Donc, c'est des jeunes qui n'ont probablement jamais eu d'expérience de conduite. Ils sont accompagnés de moniteurs toute l'avant-midi ou tout l'après-midi. Et vraiment, ils apprennent plein de choses. Et à la fin de cette activité-là, ils ont quand même un bout de temps pour faire des tours de piste en libre, mais les karts sont bloqués à 50 km/h. Donc, il ne s'agit vraiment pas de choses de performance. Et à la fin de tout ça, et ça, je trouve ça intéressant, on s'assoit, la famille doit être là, en fait, un des parents doit être là, et il s'assoit avec les jeunes dans une voiture, avec un moniteur, et le moniteur fait des démonstrations de systèmes de sécurité sur les voitures Toyota. Entre autres, on met de l'eau, puis on va montrer aux gens c'est quoi un ABS, c'est quoi le contrôle de traction, c'est quoi. Des choses que, idéalement, on n'a jamais testées dans la Idéalement. vraie vie, Ouais. mais que là, on a l'occasion de faire, et honnêtement, c'est très agréable. Ça coûte pas très cher, ça coûte 79 $. C'est une demi-journée. Les jeunes arrivent là et ils vivent vraiment une activité incroyable. Ils sont assis dans des karts avec des casques, avec le saut de course. Ils sont vraiment sur une piste. C'est vraiment le fun. Ça a lieu au mois d'août. Il y en a un peu partout là. C'est la sixième année que ça existe. Il y en a un peu partout au Canada. Chez nous, il y en a dans le coin de Saint-Eustache, à l'autodrome Saint-Eustache, et il y en a aussi dans le coin de Saint-Célestin, pas très loin de Trois-Rivières. C'est des demi-journées, je vous répète, c'est 79 $. Mais si vous allez sur le site kartstart.ca, parce que je suis fin de même, et que vous mettez le nom Marc dans le code de promotion, vous allez avoir 20 $ de rabais. Bon. Mais honnêtement, je le dis, et c'est rare que je fais ce genre de promotion-là, mais c'est un programme qui fonctionne pour les jeunes. Ils ont du plaisir, c'est agréable. Le prix comprend même un repas pour tous les membres de la famille. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas pour faire de l'argent. C'est vraiment pour faire une démonstration de sécurité et sensibiliser les jeunes à c'est quoi la vraie conduite automobile. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment un beau programme et je pense que ça vaut la peine là, d'être encouragé. Et si vous avez envie d'une demi-journée d'activité en famille, c'est parfait. C'est là et ça a lieu au mois d'août. Alors, surveillez les dates sur le site kartstart.ca. Vous pouvez vous y inscrire en ligne et n'oubliez pas le mot Marc ça va vous sauver 20$. Comme ça, Toyota t'aime assez pour te donner un code promotion. Attention, je ne travaille pas avec Toyota. Je travaille bien avec l'équipe de Cardstart. OK. L'équipe de Cardstart, c'est Ross Bond. C'est un journaliste ontarien qui est aussi un ancien pilote de course, qui continue d'ailleurs de faire de la course à gauche et à droite, là. Mais c'est lui qui a créé le programme il y a plusieurs années. Et c'est avec lui qu'on travaille pour ce système-là. C'est juste que c'est Toyota qui est le partenaire financier. Ah, OK, c'est bon. Et qui fournit les véhicules. D'ailleurs, si tu vas l'essayer, les véhicules, c'est peut-être la meilleure place. Bon. Ouais, non, c'est correct. M'a passé mon tour. Passant juste de même, anecdote, je suis allé chez Toyota cette semaine. Ah oui? Ouais, je suis allé reconduire un journaliste lundi. Bon, qu'est-ce que tu as d'autre pour nous? Est-ce que tu veux t'acheter une voiture en ligne? Ben, on verra peut-être. Avec mes récentes expériences chez les concessionnaires, je te dirais peut-être que ça serait pas une méchante idée. Ouais, j'ai vu ça. Fiat Chrysler qui va aussi, à partir de maintenant, l'offrir sur les sites de ses concessionnaires. Okay. Donc, à partir de maintenant, ben de maintenant, dans quelques semaines, évidemment, il sera possible donc d'acheter une voiture en ligne sur les sites de concessionnaires. Attention, cependant, évidemment, il y a plein d'affaires qu'on va pouvoir faire en ligne, là, les demandes de financement, l'estimation de paiement, mais il va quand même être nécessaire d'aller chez le concessionnaire pour compléter la transaction. Clairement, là, ça veut dire faut aller l'essayer pareil, puis clairement, il faut aller faire tout ce qu'il y a à faire, mais c'est vraiment une innovation et c'est le premier constructeur, à part Tesla, là, qui fait ce genre d'affaires-là et qui permet à tous ses concessionnaires d'avoir accès à des ventes en ligne. Mais il y a Genesis. Mais... Genesis, oui, mais Genesis, c'est plus ou moins en ligne, là. T'appelles puis ils s'en viennent chez vous, là. Ouais, OK. Tu sais, eux autres, c'est vraiment en ligne, là. C'est vraiment sur un site et c'est par le biais du site des concessionnaires eux-mêmes. OK. T'sais, c'est pas par Chrysler Canada, là. C'est vraiment sur le site des concessionnaires que tu vas pouvoir avoir accès à cet outil-là. Ouais, c'est un bon début. C'est ce que je trouve intéressant. Ouais. Bon, dans la série des voitures électriques, on va en profiter, Martin n'est pas là. La semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Ben, il commentera mes commentaires. Il y a pas mal de nouvelles qui sont sorties cette semaine sur les voitures électriques. Je pense entre autres à l'Institut économique de Montréal qui a fait une sortie en règle contre les subventions offertes à l'achat des véhicules électriques en disant que c'est le moyen le plus coûteux et le moins efficace de favoriser la diminution des gaz à effet de serre et qu'on ne devrait même pas penser à ça. En fait, eux estiment que si jamais on atteignait les objectifs promis par le gouvernement du Québec, ça coûterait au gouvernement 8,6 milliards de dollars pour atteindre l'objectif et ça éliminerait à peine 3% des gaz à effet de serre, alors que l'objectif est d'à peu près 20% au cours de la même période. Donc, d'après eux, c'est un moyen qui n'est pas le meilleur. Évidemment, on bougonne aussi en Ontario là-dessus. On dit par exemple que les deux ensemble, là, Québec et Ontario, s'ils atteignent leur objectif en 2030, ça aura coûté un total de 17 milliards de dollars au gouvernement pour atteindre des objectifs qui sont inférieurs en moyenne à 3% de réduction. Ouais, non, la vraie manière d'y aller, ça va être le jour où la voiture électrique va coûter le même prix sans rabais qu'une voiture à essence. Puis qu'elle ne t'obligera pas à 23 millions de contorsions pour être capable de faire ce que tu as à faire. Ouais, mais on n'est pas rendu là. Mais non. Toujours dans la question des voitures électriques, ça c'est une nouvelle qui est sortie ce matin, puis je ne suis pas convaincu, je ne sais pas jusqu'à quel point. J'ai lu l'étude suédoise, j'avoue que je suis un peu étonné. C'est une étude suédoise qui estime que la production des batteries pour des véhicules électriques comme Tesla et Leaf est tellement coûteuse en production de dioxyde de carbone, de CO2, que c'est pire que de rouler en véhicule à pétrole. Ouais. On dit, par exemple, d'après eux autres, là, que uniquement pour la construction d'une batterie d'une Nissan Leaf, tu peux rouler 2,7 années avec un véhicule à pétrole pour la même production de dioxyde de carbone. Donc, tu partirais en retard, mais au bout de la ligne, quand même, après 3 ans, tu commences à rembourser ton coût en CO2. Oui, ton coût en CO2. Après ça, dans le cas de Tesla, 8,2 ans. Okay. C'est ça que ça prend pour atteindre l'équilibre de CO2. Je t'avoue, comme je te dis, je trouve ça un peu long. Ça me semble un peu long. Je suis pas le plus grand défenseur, tu le sais, de Tesla, mais je ne pense pas qu'il soit aussi imbécile que ça. Alors, honnêtement, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais quand même, on va sûrement en entendre parler au cours des prochains jours. Et je pensais que c'était le temps d'en parler. OK, c'est bon. Parlant de Leaf, ben évidemment, la nouvelle Leaf 2018, on l'attend cet automne. On a bien hâte de la voir. On nous dit qu'elle aura une meilleure autonomie. On espère 300 km, mais bon, ne retenez pas votre souffle, Non, mesdames et ça, messieurs. les rumeurs sont plus basses que ça, malheureusement. C'est ça, Mais il y a une rumeur exactement. aussi qui dirait qu'il y aurait deux types de batteries de disponibles. C'est ça, exactement. Ce qu'on sait cependant, de façon confirmée, c'est que la nouvelle Leaf va être équipée du ProPilot. Le ProPilot, c'est un système de conduite autonome sur autoroute seulement. C'est-à-dire que, elle va pouvoir se diriger, en fait, strictement en ligne droite sur autoroute, à vitesse constante ou à peu près, voire ralentir s'il y a des obstacles ou pas, mais n'aura pas vraiment plus que ça. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'elle ne dépassera pas Non. Non, entre toi et moi, non. Non, et qu'elle va continuer tout simplement à faire un peu ce que le régulateur de vitesse intelligent fait actuellement avec l'aide au changement de non. voie Ouais. ou du maintien en voie. Donc, on n'est pas là pour vraiment dans la voiture autonome et ça ne sera pas efficace dans les zones urbaines. Non, pour l'instant, mais Nissan a dit qu'elle allait ajouter des fonctionnalités avec le temps. C'est ça. Mais on Donc. verra ce que ça va donner. Mais on sait que toutes les Leafs vont être équipées de ce système-là dès sa sortie. Dans quelques mois, souhaitons-le, comme Bon, prévu. supposément lancé en septembre au Salon de Francfort, puis C'est ça. disponible comme dans le mois après, là, selon ce qu'ils disent. Donc, fin 2017, on va avoir la nouvelle livre. Ça devrait. Ça devrait. Ouais. Si on continue, J.D. Powers, qui publie chaque année ils font deux sondages par année. Un pour ce qu'il appelle la fiabilité, le second pour l'indice de qualité initiale. Et aux surprises, pour la deuxième année consécutive, c'est Kia qui a remporté l'indice de qualité initiale. C'est la première marque non de luxe à remporter le titre 2 années consécutives. C'est quand même exceptionnel. Et si on continue dans les marques non de luxe, ce qui est intéressant, c'est que la deuxième, c'est Ford, Ce qui est qui quand est même intéressant. c'est une progression incroyable. Et la Non. troisième, c'est Ram. Oh, mon Et Dieu. ça, vraiment, c'est un bond gigantesque vers l'avant. Alors, évidemment, c'est assez intéressant. Dans l'ordre, là, Kia, bien sûr. Deuxième rang, toutes catégories confondues, là. Deuxième rang, c'est Genesis. Mais Ouais. là, évidemment, il faut voir combien de répondants ont vraiment répondu. Ouais, c'est ça. Troisième rang, c'est Porsche, Ford, Ram, BMW, Chevrolet, Hyundai, Lincoln, Nissan et Volkswagen, dans l'ordre. Toyota fait à peine mieux que la moyenne de l'industrie. La moyenne de l'industrie, là, c'est 97 problèmes par 100 véhicules au cours des 3 premiers mois de possession. Dans le cas de Toyota, on est à 95, donc on n'est pas très bon. Et 98 dans le cas de Lexus, donc on est en bas de la moyenne de l'industrie chez Lexus. C'est une position auquel les gens de Toyota ne nous ont pas habitués, je te dirais. Oui, normalement, il était en haut. Oui, effectivement. Oui. Donc ça, c'est un peu regrettable. Le bémol, ben écoute, c'est des compagnies comme Volvo, Jaguar et Fiat qui sont les derniers, mais Fiat solidement dernier, avec 163 problèmes pour 100 véhicules. Je rappelle qu'il y a 80 000 répondants qui ont pris part à ce sondage-là. Donc, des gens qui étaient propriétaires de leur véhicule depuis 90 jours ou moins et qui ont eu des problèmes, mais attention, ce ne sont pas des problèmes mécaniques. Ça peut être des problèmes aussi bébêtes que les systèmes multimédia qui fonctionnent mal ou le problème le plus souvent cité cette année, c'est tout ce qui touche les trucs électroniques, le genre assistance au freinage et ces trucs-là. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mécaniquement des mauvaises voitures. Non, mais faut se le dire. Plus qu'il y a de technologie dans vos voitures, plus ça a de chances de briser et plus ça va coûter cher quand vous allez le faire réparer. T'es cynique, t'es cynique, t'es cynique. Mais ça reste vrai. Tu sais, toutes les petites affaires, là, comme, je sais pas, quand j'avais eu un Cadillac, je pense, ou un Lincoln, à un moment donné, les écrans qui, avec la télécommande à l'arrière, tu pèses sur le petit bouton, puis l'écran sort du siège. La journée que ton enfant décide qu'il frappe à grands coups de pied sur le siège en arrière, ton écran vient de prendre le bord. Et j'imagine comment la facture peut être salée. Ouais, effectivement. Ouais. Donc, Marc, c'est bon, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, en passant par mon site marcbouchard.ca, c'est le moyen le plus facile. Vous avez là toutes les plateformes auxquelles je contribue, là, incluant mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Marc souligné Bouchard. Donc, vous pouvez là. Et je me suis même mis à Snapchat. Hein. Ah, Je bon t'ai pas dit canon. ça, là. Je me suis même mis à Snapchat. Hey. Comme si t'avais besoin de te rajouter des affaires d'en face, Ben, puis. en fait, c'est parce que je voulais voir qu'est-ce que j'avais l'air habillé en lapin. Ah. Puis, c'est très joli. Alors, mon nom est Blablacom. Oui. Sur Snapchat, si jamais ça vous intéresse. Je pensais que tu te serais Pour... appelé Chaud Lapin. J'y ai pensé, mais le nom était déjà pris. Ah. non, mais sérieusement. Alors, j'ai donc ajouté Snapchat parce que ça me tentait de faire des niaiseries avec la face déformée. mais les gens peuvent idéalement me rejoindre sur mon blog, c'est la meilleure méthode. Sinon, bien sûr, à notre célèbre adresse, info à saroule.com. Saroulradio.com. saroulradio.com parce que j'oublie toujours T'es en le train de point l'oublier .com. pour de vrai, là. T'as Non, savais, puis là, c'est t'as pas savais ça, c'est plus. parce que c'est le point .ca que je viens mêler. C'est Ouais. marcbouchard.ca puis info saroulradio.com. C'est en plein ça. Tu sais, quand on fait du Snapchat, on perd la mémoire, c'est tout. Ouais, ben, à ton âge, tiens. Donc, c'est beau. Moi, c'est sur Twitter, Ascalazormo. On a aussi les comptes Ça roule radio sur Twitter et sur Facebook aussi. On a le site saroulradio.com. Vous pouvez télécharger les émissions. Elles sont toutes là jusque de la dernière à la première. Et puis, c'est pas mal ça. Donc, Marc, merci beaucoup d'avoir fait cette émission avec moi. Tu peux retourner sur Snapchat, t'habiller en lapin si ça te tente. Et puis, on dit à nos auditeurs, ben, à la semaine prochaine. Soyez prudents sur les routes. C'est la Saint-Jean fin de semaine. Je ne veux pas en voir un maudit boire et conduire. Ça se fait pas. Non, non, non. Tape avec le journal sur le bout du nez. Hein? Donc, bonne fin de semaine à tous. Profitez du long congé, puis on se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye.